avant la mort. Personne ne partage ton fardeau, tellement de choses à raconter. Alors j'attaque donc la prose, ça donne des récits par jour. Ou bien sûr j'ai doublé sang, je viens braquer vos têtes. Comme elle bouge, je vous descends. Des instruments par centaines, la sauge lance par centaines. Sur ma vie sous le ça donne trop de rachandec. C'est pas grave, on fait avec, on peut pas bomber assez. Sans un peu dans les poches, c'est pour ça qu'on se fait sa zèbre. La vie coûte cher, y'a trop d'elle. Ça mêle, je joue 5 à trop se dans les jupes de Babylone. Alors je joue ça, Star Roster. J'ai l'impression que j'ai faire que ça. Quand je vois vu le chêne mondial, si ça parle dans mon dos, rien à foutre chez mon gland. J'ai de soucis à penser, c'est la vie que je mène à la vie. Faut remettre en question, si tu sais pas lâcher. Si t'achèves, on peut te blesser. Attends-toi à payer le prix. La vie me fait perdre la tête, j'ai du mal à rester vif. S12K, RIZ, SENH, tout bas. D'être un des plus gros flemmards, Kerba. Chez nous ça fait mal, ça te rappelle sûrement une de ces grosses fellas. J'ai l'impression que je suis vidé, je suis en pleine perte de vitesse. Tout ce qu'on fait c'est du vite fait, la smala, faut que tu te mets fidèle. Zone 2, toute ma vie j'ai vécu là. T'es malaisie dès que je viens véhiculer. Je prends pas des textes en or, du moment que dans ma vie je viens tout remettre en or. J'texte il est pourri, c'est normal j'écris plus rien. Je me bourre la gueule, je fume, je vis comme un putain d'épicurien. Ici les inspecteurs avalent, baissent sa mère, amie de leur élevo. Si tu les as, ça faut que la masque. Pendant que nous on sue, c'est PDI. S-E-N-A-M-O, t'es très bien d'où je suis issu. Tu crois que je viens pour te raconter ça? Ma vie incontrée sale, incompétente. Je ne prends mon temps que pour un gros pétard. Je veux pas d'enfant, même si au fond ce serait sale. Je préférerais être absent plutôt qu'un bardé irresponsable. C'est la merde, mais au fond je m'en balèque. Je resterai chez mes parents jusqu'à mes 30 balais. Je suis blasé, même la picole ça m'embête. J'ai trouvé que l'échec après la tempête. Moi je rappe pour le quartier, nique sa mère, les boîtes de nuit. Jusqu'à la fin, je représente l'endroit où je vis, où j'en suis. Ça j'ai du mal à le comprendre, je suis plus le même, j'ai changé à les entendre, c'est grave. Je veux que l'état, vu que j'ai pas qui m'en prendre, et ça se dégrade. Au final, chiac, va m'attendre, et quoi? C'est pas tes coups de pression qui me déstabiliseront. Ce merdier, je l'aime, donc sache que j'ai pas fini le son. On a du mal à rester vif. Mais on résiste, la smala c'est les récits. On recose ce qu'on mérite, on est colérique. On n'est pas cool et riche, alors on pose des rimes, vu qu'il y a que là qu'on déchire. On a du mal à rester vif, mais on résiste. La smala c'est les récits, on récolte ce que l'on mérite. On est colérique, on n'est pas cool et riche, alors on pose des rimes, vu qu'il y a que là qu'on déchire. On a du mal à rester vif, mais on résiste. La smala c'est les récits, on récolte ce qu'on mérite. On est colérique, on n'est pas cool et riche, alors on pose des rimes, vu qu'il y a que là qu'on déchire. On a du mal à rester vif, vif. Mais on résiste. La smala c'est les récits. Mais on résiste.